Bombela bango petit acte, surtout bango kilo na bango kazi. Bombela bango koyo kaswate pona chwala. Petit quartier. Jeune belle soie. Goût incomparable. Mon salez au senga bana pe mai. Junior Bongongo Union Européenne. Soyez même pas yana pale. Surtout bango kilo na bango kazi. Léon Okito Banda Chara. Na ultimo salezo senga vana pe mai. Matata na bitu senga mwa primise. Le millionnaire en dollars. Simba kamotema. Papi kake la foudre. Simba kamotema. Primise ya malili. Primise. Jeune belle swag. Ma mama ya zando gabe la ba pona primise. Ferry Mika. Mike Omole. Monsieur Laurent Bourson de Bukasa. Isdan Ozolo. Honorable Nzola Kisombe, King Makiali, Alex Mpumusi, hymne national, Diamond Pink Mpumusi, Miami Mpumusi, Sango ya Petita Quartier et Panzani, Iche Amarula. DJ Babo, DJ Eradi, Syndicat Mpumuti, Francine Bondani. Petit Jésus, yeah, yeah. Papi Boto Noble, au milieu de la magadie, à l'école de magadie, Jésus, au Kenan à Baba Nicola, Nicola Magadie, et vous la papouez, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de quoi, et de Fondation. Et Radio France des Amunda, Versace. Et dans mon sang, elle est touchable. Lili Manda.